Voici votre bulletin régional. Repas de cabane à sucre à l'européenne et produits du terroir le 3 mai à l'érablière du lac d'Argent. Deux services de prévu. Un à 12h30 et l'autre à 17h30. 60 places par service. Tous sont invités. Coût 50$. Tous les fonds amassés iront au projet calendrier 2015-2016 pour la Société canadienne du cancer. Informations 819-887-6392 ou 819-877-2090 ou 819-887-6389. Du 4 au 8 mai, inscription au service d'animation estivale SAE et cours de natation à Istinguis. C'est le 5 mai à 13h que le club FADOC Les Bons Amis de Dodswell tient son assemblée générale annuelle. Ça a lieu au local du club FADOC Les Bons Amis à Bishopton. Dans le cadre de la semaine de la santé mentale, Virage Santé Mentale vous invite, le 5 mai, à 18h30, au témoignage de vie d'une personne atteinte de maladie mentale et musique avec Patrick Laramé, auteur-compositeur-interprète. Ça se déroule au 37 rue Ingus Nord, Istinguis, et c'est gratuit.